Chapitre 11. M. Pépin n'avait pas voulu qu'on vît du dehors ses fenêtres éclairées par l'électricité comme pour une fête. Constant, sur son ordre, avait allumé des candélabres garnis de bougies qui, dans la nuit sombre, prenaient des airs de petits cierges et donnaient aux pièces closes une apparence sépulcrale. Cette vue les rasséréna, et d'ailleurs ils étaient forts de leurs sentiments, sûrs de leurs intentions. M. Pépin conduisit cérémonieusement Mme Pomme à la chambre qui lui était destinée et dans laquelle, dès la veille, avait été appendu par ses soins, en face du lit, un portrait en pied d'Achille. Il leur souhaita le bonsoir avec une discrétion noble et étudiée et regagna sa propre chambre située à l'autre extrémité de l'appartement. À l'office, les domestiques causaient encore et se communiquaient certains détails qui enflammaient leur curiosité et provoquaient leur verve. Dans la journée, la femme de chambre ayant placé deux oreillers sur le traversin de Mme Pomme, M. Pépin lui avait enjoint d'en retirer un. Elle avait cru devoir reporter celui-ci sur le lit de son maître, et cette seconde tentative avait subi le même sort. Cependant, elle savait que chacun des deux époux usait d'un oreiller à l'ordinaire. « Alors quoi ? » disait-elle. « Où vont-ils se retrouver ? » « Est-ce qu'on sait ? » insinua la cuisinière. « Il y a des gens qu'on m'a appris. » Qui s'amusent comme les bêtes, par terre, ou bien encore sur des meubles. C'est des fantaisies de riches. Il veut que nous l'appelions Madame Pomme. Sans doute que ça l'excite, tout ça n'est pas très propre. Et, ajoutait Constant, quand je lui ai demandé où il fallait fourrer le buste de l'autre, il m'a dit de le laisser à table. Ça va être comme s'il serait bigame, comme des Turcs, et s'est défendu par la police. J'aurais pas cru qu'il avait du vice à ce point-là. Et la nouvelle, avec son air de sainte Nitouche, d'où que ça sort, au fond? Paraîtrait, à ce que raconte la fruitière, qu'elle aurait empoisonné son premier, un pharmacien, avec du poison, rien que ça, et que le garçon apothicaire, qui était son amant, aurait fourni la mort au rat pour succéder à son patron, même qu'il a filé maintenant pour ne pas être pincé. Et là, les gens qu'on est quasiment obligé de servir, conclut la cuisinière. Ça se peut que ça soit un chameau, opina Constant, mais elle est tout de même gironde. Et sur cette parole, qui résumait l'appréciation de ces âmes simples, ils allèrent se coucher eux aussi. C'est ainsi, généralement, que s'écrit l'histoire dans le sein des familles. Il est vrai que les domestiques ignoraient que le buste eût été maintenu sur la demande express de Madame Pomme. Celle-ci avait déclaré à M. Pépin qu'elle se considérerait toujours chez lui comme une invitée étrangère, qu'Élisabeth, pour elle, n'avait pas cessé d'être la maîtresse de la maison, et qu'il n'existait aucun motif qui pût la déposséder de ses prérogatives. Monsieur Pépin, vivement touché de cette nouvelle preuve de tact, s'émerveillait d'heure en heure d'avoir rencontré la seule femme au monde qui fût capable de vivre avec lui dans une situation aussi prodigieusement délicate.